Oui, je suis journaliste. C'est un événement important parce qu'il faut montrer que les droits humains ne se défendent pas tout seuls. Il y a des gens qui sont sur le terrain et il y a des gens qui défendent les droits des autres, mais qu'eux aussi sont menacés. Et on voit que la situation est de plus en plus inquiétante avec la montée des régimes autoritaires un peu partout dans le monde. Et on ressent que les gens qui défendent les droits des autres sont aujourd'hui des gens que nous, en tant que médias, en tant que citoyens, nous, on doit défendre nos défenseurs. Parce que c'est eux qui préservent un minimum de dignité, un minimum d'espoir dans le monde.